Lord, you malkai mama, pour m'tal parler pour vous, parce que vous toi fréquent. Il même dit déclaré, j'ai tellement radi, yo van mouen a marché. Ça, c'est le bagay pour m'faire, si l'elle tombe troisième, c'est mettre qui croit lit. Le ça l'a respecté, la vie n'a doré, la page genou n'a pied. Yo jour, living barat li di, bonjour chéri. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas à parler. Après, vin rencontrer, di tombe embrassé, moi fais déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté ma disant, mal et la caille sans son. Tomber fait mauvais sang, tomber cracher sang, vine passé, ils ont fibré mais et puis ils se veulent. Ils comment nous voulaient pour brésiller. Et monsieur pas dit que m'a prié. Ils aiment moins connaître ça m'a passé. Sans fibré mais et puis ils se veulent. Et comment nous voulaient pour brésiller. Bigo pour tes voisinages, capette de la tripotaille, et avec côté ça mon appétit. Si vous me remettez ma vie chérie, bigo pour tes voisinages, et capette de la tripotaille, et avec côté ça mon appétit. C'est où m'aimer, mon pichéri. Gardez qui j'en ou fait ma prévoque. Et maman chérie, ou qu'on aime bien coque. Tout ça ou v'lé, ma passe telle. Et dis-moi, dis-moi, pour m'consoler. Et gardez qui j'en ou fait ma prévoque. Maman chérie, ou qu'on aime bien coque. Tout ça rouvlé, ma passe telle. Et dis-moi, dis-moi pour me consoler. Et lui, quand on coupe des voisinages, et qu'après-té, on t'a tripotaille. Et avec goûté, ça mon appétit. C'est où m'aimer, ma vie chérie. Et lui, quand on coupe des voisinages. Capete on a tripotaille, il a coûté ça mon appétit. C'est où m'aimer ma vie chérie. Thank you. si yo pa a la chita ma fleuri pata ma be fleuri non pa besoin pale yo menaj mwen mouri mwen te nan lot peyi men ma pe joui yo telefone mwen ce jour la m'émotionner, les amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur, mes amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur. Pour consoler, Réveillons mon copain, réveillons mon copain. Allez, qu'il est oui, mais là je veux aller. Qui monte ma joie pour consoler. Réveillons mon copain, réveillons mon copain. Réveillons mon copain, réveillons mon copain. Allez, qu'il est oui, mais là je veux mourir. Qui monte ma joie pour consoler. Réveillons mon copain, réveillons mon copain. Réveillons mon copain, réveillons. Il faut courage.